إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 45 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on est arrivé à la partie où le Cheikh il explique maintenant dans Al-Usul al-Thalith al-Imanu bil-Rusul, la foi en les messagers. Donc le Cheikh il dit wa arsala Allah jami'a ar-rusul mubashirin wa munzirin wa dalil qawluhu ta'ala rusulan mubashirin wa munzirin li'an la yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul وكان الله عزيزا حكيما. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé tous les messagers et il les a envoyés comme avertisseurs et comme annonciateurs d'une bonne nouvelle. Et la preuve de cela c'est dans le verset 165 dans sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala il dit des messagers comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et comme avertisseurs pour qu'il n'y ait plus d'arguments pour les hommes devant Allah subhanahu wa ta'ala après que Allah ait envoyé les messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes puissant et sage. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Cheikh Al-Fawzan il dit Al-Imanu bil-Rusul huwa ahadu arkan al-Iman al-Sitta. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Il dit que la foi en les messagers d'Allah, c'est un d'entre les piliers de la foi. Et parmi les six, bien entendu, parmi les six piliers, comme on l'a expliqué déjà, et il mentionne le hadith de Jibril, le hadith qui mentionne que la foi, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de croire en ses anges, en ses livres et en ses messagers. فالإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان فلا بد من الإيمان بالرسل جميعهم من أولهم إلى آخرهم فمن جحد رسولا واحدا منهم فهو كافر بالجميع كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا فلا بد من الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم من سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسم فإن الرسل كثيرون ولهذا جاء في الحديث أن عددهم 124,000 والرسل من ذلك 315 جما غفيرا فهم رسل كثيرون ومنهم من سمى الله في كتابه ومنهم من لم يسم فيجب علينا الإيمان بجميعهم من أولهم إلى آخرهم. Donc le Cheikh il explique que la foi en les messagers c'est un des piliers de la foi. Il faut absolument croire en les messagers, en tous les messagers que Allah a envoyés du premier jusqu'au dernier. Quiconque renie un d'entre les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il a renié tous les messagers, c'est comme s'il a rejeté la foi en tous les messagers. Et il mentionne le verset 150 à 151 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ceux qui ont rejeté la foi en Allah et en son messager, et qui veulent faire une distinction entre, ou qui veulent séparer entre Allah et ses messagers, et qui disent nous croyons en certains d'entre eux et nous rejetons la foi en certains d'entre eux. Et ils veulent prendre une voie entre ces deux-là, une voie intermédiaire. Alors ceux-là sont les vrais mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Et donc il faut absolument croire en tous les messagers qu'Allah a envoyés, du premier au dernier d'entre eux. Ceux d'entre eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés de façon claire et par son nom dans la révélation, dans le Coran, et ceux dont il n'a pas mentionné le nom. Il faut croire en tous ces messagers-là. Et les messagers sont nombreux. Et c'est pour ça qu'il est mentionné dans un hadith qu'ils sont du nombre de 124 000 prophètes. 124 000 prophètes et messagers. Et parmi eux, 325 messagers. Parmi les 124 000, 325 messagers. Donc ils sont nombreux. Parmi eux, il y en a que Allah a mentionné par leur nom dans son livre et d'autres que Allah n'a pas mentionné par leur nom. Donc, il est obligatoire pour nous de croire en tous ces messagers-là, d'avoir la foi en tous ces messagers-là, du premier jusqu'au dernier. Wa awwaluhum Nuh alayhi salam. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit awwaluhum Nuh alayhi salam. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Donc le cheikh il explique que le premier d'entre les messagers c'est Nuh عليه السلام et le dernier c'est Muhammad صلى الله عليه وسلم. La preuve que le premier d'entre eux est Nuh عليه السلام c'est dans le verset 163 dans Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous t'avons révélé, comme nous avons révélé à Noé, à Nuh, et au prophète après lui. À Noé et au prophète après lui. Donc, ça c'est le verset en question. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ إنا أوحينا إليك هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ذكر الله جملة من أسمائهم في هذه الآية. Donc le cheikh explique que la preuve que le premier d'entre les messagers c'est Nuh عليه السلام. La parole, dans le verset qu'on a mentionné, 163, dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme nous avons révélé sur toi, et Allah il s'adresse maintenant à son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il dit, comme nous avons révélé à Noé et aux prophètes qui sont venus après lui, et nous avons révélé à Ibrahim, et à Ismaïl, et à Ishaq, et à Aqoub, et à Al-Asbar, c'est-à-dire les tribus, et à Isa, وأيوب جاب يونس جوناس هارون وسليمان سالومون وآتينا داود زبورا يا دافيد nous avons donné les psaumes الزبور qu'est-ce qu'on appelle en arabe الزبور. Donc ça c'est parmi les noms de certains d'entre les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. كما ذكر جملة من أسمائهم في آية الأنعام من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآيات. فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام بدليل قوله تعالى والنبيين من بعده بعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين بعد أن كان الناس على دين التوحيد منذ آدم عليه السلام إلى عشرة قرون وهم على التوحيد. Donc le cheikh il dit comme il y en a eu d'autres qui ont été mentionnés aussi par leur nom dans Surat Al-An'am, le verset 84 à 86 dans Surat Al-An'am, il dit et parmi leur descendance Daoud et Suleyman et Ayyub et Yusuf et Moussa et Haroun. Et le cheikh il dit ensuite le premier d'entre les messagers, c'était Nuh alayhi salam, et la preuve de ça, il dit, et les prophètes qui sont venus après lui. Hein? Et les prophètes qui sont venus après lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à son peuple Nuh, il a envoyé Nuh à son peuple lorsqu'ils ont exagéré au sujet des hommes pieux. Hein, ils ont exagéré dans l'amour qu'ils avaient pour les hommes pieux et il les a rappelés au tawhid. Hein, ils les ont appelés au tawhid parce que les gens étaient sur le tawhid jusqu'à la génération de Nuh, alayhi salam. Et entre Adam et Nuh, il y a 10 générations. Entre Adam et Nuh, alayhi salam, il y a 10 générations. Ils étaient tous sur le tawhid, c'est-à-dire ils étaient tous sur l'adoration d'Allah seul. Puis le shirk est entré, le shirk est apparu chez le peuple de Nuh. Pourquoi? Parce qu'ils ont exagéré au sujet des hommes pieux. Ils les ont pris comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le shaykh dit « فَلَمَّا جَاءَ قَوْمُ نُوح كَانَ فِيهِمْ رِجَالٌ صَالِحُونَ فَلَمَّا مَاتَ هَؤُلَاءِ الصَّالِحُونَ حَزِنُوا حُزْنًا شَدِيدًا فانتهز الشيطان هذه الفرصة وقال لهم صوروا صور هؤلاء الصالحين وانصبوها على مجالسكم من أجل إذا رأيتم هذه الصور تتذكرون أحوالهم وتنشطون على العبادة فقاموا وصوروا صور هؤلاء الموتى ونصبوها على المجالس فلم تعبد في أول الأمر لوجود العلماء الذين يبينون للناس التوحيد وينكرون الشرك فلما مات العلماء وذهب الجيل الأول جاء جيل المتأخر وقد مات العلماء جاء الشيطان إليهم فقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر فيزين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله. Donc le cheikh explique que lorsque Nuh est venu, donc lorsque Nuh ou lorsque نعم, lorsque le peuple de Noé يعني le peuple de Nuh عليه السلام يعني ils avaient parmi eux des hommes pieux. Lorsque ces hommes pieux-là sont morts, ils ont été très tristes, ils ont été attristés. Alors le shaitan, il a utilisé cette opportunité-là pour essayer de les égarer. Et il leur a dit, hein, puisqu'ils étaient tristes de la mort de ces hommes-là, il leur a dit, faites leurs images, faites leurs statues, leurs représentations, et placez ces représentations-là, ou ces images, à l'endroit où ils se réunissaient pour discuter. Lorsque vous allez voir ces images, ça va vous rappeler de leur état et ça va vous encourager à faire plus d'adoration. Et ça va vous motiver pour faire plus d'adoration. Alors ces gens, ils ont commencé à faire ces images et à commencer à faire ces représentations. Et ils les ont placées à l'endroit où ils se rassemblaient. Puis au tout début, lorsqu'ils ont fait ça, les gens n'ont pas adoré ces statues. Au tout début, les gens n'ont pas adoré ces statues. C'est seulement par la suite, hein, lorsque les ulama parmi eux sont morts. Au tout début, il y avait des ulama parmi eux. Donc, hein, ils ne pouvaient pas faire le shirk. Ils ne pouvaient pas tomber dans le shirk parce que les ulama les avertissaient, hein, du danger. Mais par la suite, les ulama sont morts et... étant donné qu'il n'y avait plus personne pour leur expliquer le tawhid et leur dénoncer ou leur condamner le shirk qu'ils pouvaient faire, eh bien ils sont tombés dans le shirk malheureusement parce que le shaitan est venu, hein, lorsque les ulama sont morts et il a dit aux gens, vos pères ont placé ces statues ou ces images uniquement dans le but que vous les adoriez. Et c'est par ces images que, ou ces représentations qu'ils étaient, ils recevaient de la pluie. Lorsqu'il y avait de la pluie, c'est parce que, à cause de ces représentations-là, ils les prenaient comme des intermédiaires entre eux et Allah. Et donc, le shaitan leur a embelli l'adoration des statues et des images et des idoles par l'amour de ces hommes pieux-là. Et c'est comme ça que le shirk s'est introduit dans l'humanité. Le shaykh, il dit ensuite, ومن ثم حدث الشرك في الأرض فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل ويردهم إلى التوحيد الذي هو دين أبيهم آدم عليه السلام لكنهم عندوا واستكبروا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم فآل بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله. فلما جاءهم نوح عليه الصلاة والسلام نهاهم عن عبادتها وأمرهم بعبادة الله. قالوا لا تذرون آلهتكم ولا تطيعوا نوحا واستمروا على كفرهم وطغيانهم وعنادهم. وهذا أول شرك حدث في الأرض وسببه الصور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وقال صلى الله عليه وسلم إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم احيوا ما خلقتم. يؤمرون بنفخ الروح في هذه الصور من باب التعجيز والتعذيب لهم والعياذ بالله، لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك كما حصل لقوم نوح. Donc le cheikh il dit puis par la suite lorsque le shirk est apparu sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala donc a envoyé Nuh alayhi salam et il les a appelés à Allah et il les a ramenés au tawhid qui était la religion de leur père Adam alayhi salam. Mais ils se sont enflés d'orgueil et ils ont refusé de revenir. Et comme on lit dans Surat Nuh, le verset 23, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, n'abandonnez pas vos idoles, n'abandonnez pas vos divinités, n'abandonnez pas l'adoration de Wad et de Suwa' et de Yaghouth et de Ya'uq et de Nasr. Les noms des cinq hommes parmi les hommes pieux, comme Abdullah ibn Abbas a dit. Il dit, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, ces noms sont les noms des hommes pieux qui existaient dans le peuple de Nuh. Et ils ont fait leurs images et ils les ont placées sur la place publique. Et puis, ça, par la suite, les gens les ont adorés en dehors d'Allah. Et lorsque Nuh, alayhi salam, est venu, il leur a interdit d'adorer ces statues ou ces représentations, et il les a ordonné d'adorer Allah seul. Mais eux se sont enflés d'orgueil et ils ont dit, n'abandonnez pas vos divinités et n'obéissez pas à nous, et continuez dans votre mécréance et dans votre transgression et dans votre affront et dans votre opposition à nous et à la vérité. Et ça, c'est le premier shirk qui s'était produit sur la terre. Et la cause de ce shirk, c'était les images et les représentations. Et c'est pour cette raison-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit que les gens qui auront le plus dur châtiment au jour de la résurrection, ce seront les gens qui font des images. Et il a mentionné aussi, dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Umar, radiallahu anhu, wa radiallahu anhuma, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui font des images, eh bien, ils auront un châtiment au jour de la résurrection, et on va leur dire, créez ce que vous avez, ou plutôt faites vivre ce que vous avez créé. On va leur ordonner de faire vivre ce qu'ils ont créé, mais ils ne seront pas capables, et on leur demande ça pour qu'ils en même temps c'est un châtiment pour eux, et en même temps c'est pour montrer leur incapacité, et ça c'est un châtiment wal'iyadu billah. Et c'est parce que le fait de faire des images, c'est un des moyens d'entre les moyens qui fait tomber les gens dans le shirk, comme c'est arrivé à l'époque de Nuh alayhi salam, et jusqu'à notre époque aujourd'hui, même si on prend souvent ces choses-là à la légère à notre époque, parce que les moyens de faire des images sont tellement nombreux et tellement faciles d'accès qu'on prend ça à la légère, mais ça reste encore aujourd'hui une des plus grandes formes parmi les moyens de tomber dans le shirk. Ça reste une des moyens les plus grands pour que les hommes tombent dans le shirk encore aujourd'hui. Mais parce que je pense que nous t'es qu'à continuer quoi, puis là nous finis. nous manger ensemble. Parce que là, nous déjà fait 20 minutes. Donc, peut-être que nous avons fait 30 minutes encore, puis après, ça n'a prêté. La plus bon qu'on s'en. Non. Le premier hadith, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les gens qui auront le plus dur châtiment, les gens qui auront le plus dur châtiment au jour de la résurrection, chez Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, ce seront les gens qui font les images, al-musawwirun. Ensuite, le cheikh il dit, فأول الرسل نوح وأما خاتم أما خاتم الرسل وآخرهم فهو محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Le cheikh il dit que le premier d'entre les messagers c'est Nuh alayhi salam, mais le dernier d'entre les messagers c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est mentionné dans le verset 40, dans Sourate Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Et Muhammad n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais par contre c'est le messager d'Allah et le dernier d'entre les messagers, le dernier d'entre les prophètes, c'est-à-dire celui qui est venu sceller la prophétie. » Khatam, ça veut dire celui qui vient sceller. Il est le sceau des prophètes. Et il dit « Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, ana khatamun nabiyyin. » La Nabiya Ba'di. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Dawud et At-Tirmizi, selon Sauban, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le dernier des prophètes. Il n'y a pas de prophète après moi. Je suis le sceau des prophètes. Il n'y a pas de prophète après moi. Fabihi khutimat ar-risalat السماوية فلا يبعث بعده نبي إلى أن تقوم الساعة ولكن شريعته باقية إلى أن تقوم الساعة ودينه باق إلى أن تقوم الساعة كما سبق فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ومن صدقه فهو كافر بالله لأنه لا نبي بعده. Donc le cheikh il explique que donc Allah subhanahu wa ta'ala a scellé la prophétie et tous les messages célestes après lui. Hein, après lui il n'y en a plus. Et ça signifie que après lui il n'y aura plus de prophète jusqu'à la venue du jour dernier ou de l'heure du jugement dernier. Et sa sharia c'est celle qui va demeurer. C'est celle qui va demeurer jusqu'à ce que soit établie l'heure du jugement dernier. Et sa religion, c'est celle qui va rester valable et applicable et acceptée seulement, celle qui va être acceptée seulement jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et quiconque prétend être un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un kafir. Hein? Comme par exemple, le cheikh il va donner des exemples de ça. Et il dit, quiconque donc se déclare prophète, il est kafir. Ou quiconque croit en celui qui se prétend prophète, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors lui aussi il est kafir. Parce qu'il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit, وَقَدْ اِدَّعَ النُّبُوَّةَ بَعْدَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَفَضَحَهُمُ اللَّهُ وَأَظْهَرَ كَذِبَهُمْ ومن آخرهم فيما نعلم القدياني غلام أحمد القدياني الهندي الذي كان في الأول يدعي العلم والعبادة ثم ادعى أنه عيسى بن مريم ثم ادعى النبوة والآن له أتباع يسمون بالقديانية وقد كفرهم العلماء وقد كفرهم المسلمون ونابذوهم واعتبروهم فرقة كافرة خارجة عن الإسلام وهم منابذون ومطاردون ولله الحمد من بلاد المسلمين ولهم نشاطهم يبوء بالفشل لهم نشاط ولكن نشاطهم يبوء بالفشل. Donc le cheikh explique que parmi ceux qui ont, il y a beaucoup de gens qui ont faussement prétendu d'être des prophètes après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sauf que Allah subhanahu wa ta'ala les a hein, les a démasqués et a montré leur fausseté et leur mensonge. Et le dernier d'entre ceux qui ont fait ça, parmi ceux qu'on connaît, il y a Al-Qadiani. Al-Qadiani qu'on appelle Ghulam Ahmad. Ghulam Ahmad. Et c'est un, quelqu'un qui vient de l'Inde. Et il s'est prétendu un prophète. Au tout début, il montrait qu'il avait de la science et qu'il faisait beaucoup d'adoration. Puis après, il s'est prétendu être Isa ibn Maryam. Il a dit, je suis Isa ibn Maryam qui est descendu la deuxième fois. Puis ensuite, il a prétendu être un prophète. Et il a des gens qui le suivent. Il y a des gens qui le suivent et on les appelle les Qadianiyya. Aussi, ils se donnent le nom de Al-Ahmadiyya. D'accord? Et ces gens-là sont, comme le cheikh il dit, sont des kuffars. Le cheikh dit que ils ont été déclarés par les musulmans comme étant des kuffars et ils ont été repoussés et ils sont considérés comme une secte qui est mécréante et en dehors de l'islam et ils ont été chassés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala des pays musulmans et ils ont beaucoup ils font beaucoup d'efforts pour propager leur religion. Mais leur religion, elle n'est pas propagée. C'est-à-dire que l'effort qu'ils font, elle est vouée à l'échec. Et ils mentionnent ce point-là à leur sujet. Et aussi, c'est effectivement comme il le dit, parce que beaucoup d'entre eux sont chassés des pays musulmans. Et justement, un des pays où il y a, je pense, la mosquée qui est la plus grosse au Canada, justement, c'est la mosquée des Ahmadiyya, des Qadianiyya, dans une des provinces du Canada, je pense que c'est Alberta, Inaham. Ils ont même un village là-bas, ou une ville à eux, hein, et ils ont une grosse mosquée et tout ça. Donc c'est pour montrer que les pays musulmans les rejettent et les chassent parce que ce sont des kuffars qui prétendent qu'il y a un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais on voit l'attitude des koufars vis-à-vis de ces gens-là, c'est de les défendre et de les aider, hein, et de les accueillir et de les aider à propager leur fausse religion. Inventer ça, il s'appelle Ghulam Ahmad. Ghulam Ahmad. Ouais. Ou bien on les appelle aussi Qadianiyya, parce qu'ils viennent d'une ville qui s'appelait Qadian, ou quelque chose comme ça. C'est en Inde, Naam. Donc, c'est ça. Donc, c'est une secte d'égarement, et il y en a même ici à Montréal, et un petit peu partout au Québec, mais il y en a aussi dans d'autres provinces du Canada, comme je disais tout à l'heure. Et. Non, c'est pas les mêmes. C'est, je pense, de la mosquée Bayt al-Mukarram, ce sont des Diobandiyya, ce ne sont pas des Qadianiyya. Donc, Diobandiyya, c'est un groupe qui viennent eux aussi de l'Inde, une école de l'Inde, ce sont des soufis, puis ils sont mélangés un petit peu, tu vois. Ensuite, il y a un autre groupe que le cheikh il a pas mentionné, mais qui sont aussi considérés comme étant des koufars parce qu'ils prétendent qu'il y a un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le groupe de ceux qu'on appelle les Black Muslims, hein, les musulmans noirs, les Black Muslims, ceux qui suivent Louis Farrakhan, parce qu'ils prétendent que Elijah Muhammad était un prophète, et pire que ça encore, ils prétendent que celui qui a enseigné à Elijah Muhammad, c'était un homme qui s'appelait Fard Muhammad, et ils disent que c'était Dieu en personne qui était descendu sur terre pour guider l'homme noir à l'islam, pour guider les noirs américains à l'islam. Et Allah al-Musta'an, quand vous voyez cet homme, on s'étonne même comment quelqu'un pourrait penser que celui-là est un prophète. Et il a même des vidéos sur YouTube où il parle, il est mort, ça fait des années. Mais quand tu l'entends parler, tu vois clairement que c'est un menteur, c'est un kazzab. Et malgré tout, les gens, certains d'entre eux, ont été trompés par lui. Hein? Nasallallahu al-afiyah. Donc, c'est un parmi les Dajjal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, comme le cheikh il le mentionne, il dit al-hasil annahu la nabi ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam man idda'a an-nubuwwa fa huwa kadhdhab كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث أو يبعث الدجالون كذابون نعم قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. Donc le cheikh il explique que il n'y a pas de prophète après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque prétend être un prophète, alors c'est un, hein, prétend avoir un message ou une prophétie, alors c'est un menteur. C'est un menteur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit que l'heure du jugement ne va pas venir tant qu'il y aura des menteurs et des faux messies qui vont venir, des faux prophètes qui vont venir, parmi eux environ 30. Chacun d'entre eux prétend être un messager d'Allah. Chacun d'entre eux prétend être un messager d'Allah. Donc il ne faut pas s'étonner si on voit des gens qui se prétendent prophètes, sauf qu'il faut savoir que ce sont des Dajjaloun, le pluriel de Dajjal. Et Dajjal, ça veut dire quelqu'un qui est un grand menteur, hein, un blasphémateur, quelqu'un qui ment. Et donc il y en a eu de nombreux dans le passé et il continue à y en avoir encore comme on voit, et le dernier d'entre eux ce sera Al-Masih Dajjal. Le dernier d'entre eux ce sera Dajjal, le grand Dajjal qui va venir, qui va être le dernier d'entre eux. Naam. Donc Louis Farrakhan, hein, la même chose, c'est un kafir parce que il croit en la prophétie de Elijah Muhammad, et Elijah Muhammad c'est un kafir parce que lui-même il prétendait qu'il était prophète et messager, et en plus il croyait en un homme qui s'appelle Fard Muhammad et que c'était Dieu en personne. Donc ça c'est encore, lui aussi est encore kafir et plus kafir encore, puisque non seulement il se prétend être un prophète ou un messager, et en plus il se prétend être Dieu et il croit qu'un homme est Dieu. Et le plus étonnant de ces gens-là, c'est qu'ils vont avoir des débats avec des chrétiens pour les réfuter et leur dire à propos de Jésus, hein, que c'est pas le fils de Dieu ou que c'est pas Dieu ou qu'il faut pas l'adorer, et puis eux ils prétendent que Fard Muhammad est Dieu en personne, hein, et ils prétendent que les noirs sont des dieux et que les blancs sont des diables. Alors que si tu regardes Fard Muhammad, il était blanc. Alors comment ils prétendent que leur Dieu lui-même était un diable? C'est la contradiction dans ces... Oui, ça n'a rien à voir avec l'islam et ça n'a rien à voir avec la logique. Ils croient parmi leurs croyances qu'il y a un vaisseau spatial qui va venir à la fin des temps qui va sauver les hommes noirs ou des choses de ce genre. Donc, il mélange la religion avec la franc-maçonnerie puis toutes sortes d'autres croyances des gamins. Donc, ce sont des gens qui n'ont... Aux États-Unis, il y en avait beaucoup au début, mais là, je pense que depuis que Malcolm X, au début, était avec eux, puis quand il a quitté, beaucoup d'entre ceux qui étaient avec eux sont partis. Et puis, parce que Malcolm X était le porte-parole principal. Et puis, quand il les a quittés, beaucoup d'entre les gens qui étaient avec eux sont revenus à l'islam, disons, le vrai, l'islam de Yanni. Plutôt, disons, l'islam qui reconnaît pas Elijah Muhammad et des choses comme ça, malgré que ça ne veut pas dire qu'ils sont revenus automatiquement à la sunna, à la salafia. Disons, parce que probablement il y en a dû au manque de connaissances, au manque de références à cette époque-là, puisqu'il n'y avait pas autant de références qu'aujourd'hui dans la langue anglaise, mais quand même, il y a beaucoup aujourd'hui parmi les frères aux États-Unis qui sont salafis, qui ont compris, qui ont connu la salafia, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de groupes d'égarement, puis beaucoup qui sont facilement séduits par des groupes d'égarement. Il y a encore qui suivent Elijah Muhammad ou d'autres groupes parce qu'ils sont divisés maintenant entre eux, mais n'empêche que ils se sont vraiment affaiblis par rapport à avant. Et il y a un petit groupe, hein, il y a un petit groupe même à Montréal de ces gens-là. Oui. Parmi au début, c'était quelques Haïtiens qui ont été séduits par leur discours politique, parce que c'est souvent la raison pourquoi les gens les suivent. C'est pas par rapport à leurs croyances religieuses, mais c'est surtout à cause de leur discours politique, parce qu'ils ont un discours politique nationaliste, où il contre l'impérialisme, contre le racisme, contre des choses comme ça. Puis il y a la mobilisation de la communauté noire pour s'entraider entre nous, des choses comme ça, puis des choses de ce genre. Donc les gens sont séduits par ce discours-là, puis ils réalisent pas l'égarement qui est dedans. Et en réalité, les Black Muslims, ils ont pas besoin d'utiliser le nom de l'islam pour avoir pour prêcher à ce qu'ils prêchent, parce que leurs enseignements n'ont rien à voir avec l'islam. Sauf qu'ils utilisent le nom de l'islam pour se donner une crédibilité, hein, pour se donner une crédibilité qu'ils n'ont pas. Donc c'est important de faire savoir à ces gens-là et de faire savoir aux gens en général que cet homme-là, Farrakhan, et ceux qui le suivent, et leurs croyances n'ont rien à voir avec l'islam, et que c'est un Dajjal ou quelqu'un qui est en opposition totale avec l'islam. C'est lui qu'ils ont dit qu'à l'époque, pourquoi Malcolm X avait quitté le groupe de cet homme-là? Parce que l'homme, si vous le voyez, il est tellement minable quand il parle et tout, il a aucun charisme. Alors il avait besoin de Malcolm X pour propager sa parole, parce que Malcolm X était quelqu'un qui avait beaucoup de charisme, était fort personnalité et tout. C'est lui qui a propagé son message. Mais quand il a vu qu'il avait mis enceinte plusieurs de ses secrétaires, alors qu'il n'était même pas marié avec elle, et des choses de ce genre, c'est ça qui a fait qu'il a quitté. Oui, ça c'est Elijah Mohamed. Ah, ok. Non, ça c'est Elijah Mohamed. Mais c'est ça, oui. Vous avez raison, en fait. C'est ça. C'est de Elijah Mohamed que je parle. Fard Mohamed, c'est vrai, on ne connaît pas grand-chose à son sujet. Mais il était blanc, pour de vrai. Ils ont montré sa photo. Fard Mohamed, ils ont montré sa photo. Il était blanc. Ouais. Oui, lui aussi, Elijah Mohamed, il n'était pas noir beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais. Et même Malcolm X aussi était métissé un peu. Et quand on leur disait ça, ils répondaient, oui, les Blancs ont violé mes ancêtres, mais donc c'est pour ça que je suis devenu pâle, ou que je suis pâle, ou des choses de ce genre. Donc tout ça, c'est des discours racistes et ça n'a rien à voir avec l'islam. Yani. Et en tout cas, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ça. Le cheikh, il dit ensuite, وَالْمُتَنَبِّئُونَ كَثِيرُونَ وَالْمُتَنَبِّئُونَ كَثِيرُونَ. Donc avant ça, on va lire le texte. Le cheikh, il dit, وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. الشيخ الفوزان أو متخدر الشيخ الزي الله سبحانه وتعالى il a suscité dans chaque nation un messager depuis l'époque de Nuh عليه السلام jusqu'à Muhammad صلى الله عليه وسلم. Et qu'est-ce qu'il fait, ce messager? Il ordonne aux hommes d'adorer Allah lui seul, et il leur interdit d'adorer le Tarut. Et le Tarut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses qui sont adorées. Et c'est aussi le shaitan, hein, et les idoles. Et toutes ces choses-là, on les appelle de Tarut. Donc, la preuve, hein, que les messagers ont appelé les hommes à abandonner le Tarut et à adorer Allah seul, c'est l'exemple du verset 36 dans Surat An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour dire aux hommes, adorez Allah et écartez-vous du Tarut. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant, المتنبئون كثيرون ولكن الله فضح أمرهم ويكشف سترهم ويبين خزيهم للناس ومن صدقهم فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh, il dit que les gens qui se prétendent prophètes sont nombreux, mais Allah les démasque et il enlève leur voile, le voile derrière lequel ils se cachent pour tromper les gens, et ils montrent leur fausseté aux hommes. Et quiconque croit en ces faux prophètes, alors ils sont considérés comme étant des mécréants eux aussi. Parce que celui qui croit en ces gens-là, il dément Allah et il dément son messager, et il rejette également le consensus des musulmans sur le fait que il n'y a pas de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que c'est lui le sceau des prophètes, celui qui vient sceller la prophétie. Wa qawluhu wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayhim rasulan. أي كل أمة من الناس يبعث الله إليها رسولا ليقوم الحجة عليهم لأن لا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فكل أمة من الأمم السابقة يبعث الله إليها رسولا كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Donc le cheikh il explique que quand le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit qu'on a suscité dans chaque nation un messager, c'est-à-dire qu'on a envoyé à chaque nation un messager pour établir la preuve contre ces gens-là, pour que les gens ne puissent pas dire par la suite, au jour de la résurrection, « Ah mais nous c'est pas notre faute, on n'a pas reçu d'annonciateur de bonnes nouvelles, il n'y a personne qui nous a avertis. » Non, parce qu'il a envoyé les messagers. Et il mentionne dans le verset 15 dans Sourate Al-Isra, et nous n'allons pas châtier les hommes tant qu'ils n'ont pas reçu un messager, tant qu'on n'a pas envoyé un messager à ces gens-là. Donc, dans toutes les nations précédentes, Allah a envoyé un messager. Comme il dit dans le Sourate Fatir, le verset 24, il dit, et il n'y a pas une nation, excepté qu'il y a eu pour cette nation-là un avertisseur. Walakin, يجب أن نعرف ما هي دعوة الرسل. دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم هي دعوة التوحيد. هي دعوة إلى التوحيد. لقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل ما عبد من دون الله طاغوت. كما يأتي في أنواع الطواغيت أن من أنواعهم من عبد من دون الله وهو راض بذلك كما سيأتي. Donc le cheikh explique que il est obligatoire pour nous de savoir qu'est-ce que c'est l'appel des messagers. C'est quoi la da'wa des messagers? La da'wa des messagers, de tous les messagers qu'Allah a envoyés, du premier jusqu'au dernier d'entre eux, c'est la da'wah du tawhid, c'est-à-dire d'inviter les hommes à l'adoration d'Allah seul, à l'unicité d'Allah dans l'adoration. Comme il le dit dans plusieurs versets, et le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour leur dire « Adorez Allah seul et écartez-vous du tawhid ». Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est un tawhid. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on l'appelle en arabe tarout, dans l'islam. Et il y a différentes catégories de tarout, comme on va les expliquer dans le chapitre qui va venir après. Et parmi ces catégories de tawarid qui existent, que le cheikh il va mentionner, une d'entre ces catégories de tarout, c'est quoi? C'est qu'un tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors qu'il est satisfait d'être adoré. C'est-à-dire, si quelqu'un ou une chose, en particulier, on va dire une personne, parce que ici il mentionne yani, le fait qu'elle soit satisfaite. Bon, si c'est une chose ou une idole, elle peut pas être satisfaite puisque c'est un objet. Donc, ça c'est pas nécessaire qu'elle soit satisfaite, mais c'est un tarout quand même du fait qu'elle est adorée en dehors d'Allah, la statue. Mais ici, un être humain, par exemple, si il est adoré par quelqu'un et que elle est satisfaite que cette personne-là l'adore, alors dans ce cas-là, elle devient un tarout. Et on va expliquer ça plus en détail par la suite. Ensuite, le cheikh il dit, فَمَعْنَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتُ اجْتَنِبُوا عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ وَالْقُبُورِ وَالْأَضْرِحَةِ هذه هي الطواغيت. فدلت الآية الكريمة على أن دعوة الرسل كلها تتركز على التوحيد من أولهم إلى آخرهم. Donc le cheikh explique que la signification de la parole d'Allah est écartez-vous du tarout, c'est-à-dire écartez-vous de l'adoration des idoles et des statues et des tombeaux. Et des tombeaux et des choses que les gens adorent parmi ces choses-là. Les idoles, En arabe, on peut les appeler par deux noms. Al-Awthan ou Al-Asnam. Al-Awthan, Al-Asnam, c'est qu'est-ce qui a une forme. Qu'est-ce qu'on a sculpté qui a pris une forme, soit animale ou d'être humain. On appelle Asnam ou Sanam. C'est le singulier, c'est Sanam. Le pluriel, c'est Asnam. Maintenant, Al-Wathan, c'est une chose qui est adorée, qui n'a pas nécessairement été sculptée dans une forme, comme un arbre ou des choses de ce genre. On les appelle Awthan. Ou le singulier, c'est Wathan. D'accord? Donc, ça rentre dans qu'est-ce qui est considéré comme étant un tarout. Et également, les tombes que les gens adorent, avec dans lesquelles on a enterré les hommes pieux, ou les tombes et les tombeaux ou les choses de ce genre. Donc, ça rentre aussi dans les catégories de qu'est-ce qu'on appelle les tawarit. Parce qu'il y a des gens dans les pays musulmans et non musulmans qui adorent les tombes des hommes pieux et qui vont faire des pèlerinages à ces tombes et qui leur offrent des offrandes et des sacrifices et qui font les tawaf autour ou des choses de ce genre et qui leur demandent en dehors d'Allah des choses, des invocations ou des choses de ce genre. Donc ça c'est du shirk et de faire ça, donc ça c'est du shirk et ces choses-là autour desquelles les gens font ces adorations-là, ça rentre dans ce qu'on considère être des tawarit aussi. Et le cheikh, il dit que le verset donc indique que la da'wa de tous les messagers, c'était de se concentrer sur le tawhid, c'est-à-dire de se concentrer sur l'appel à l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et ça, c'était l'appel du premier jusqu'au dernier d'entre les messagers. كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله سبحانه وتعالى dit dans le verset 25 dans sourate Al-Anbiya, nous n'avons envoyé avant toi de messagers excepté que nous leur avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. وقوله وينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Le verset 2 dans sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre les messagers avec l'esprit de son ordre, avec son commandement, sur ceux qu'il décide ou ceux qu'il veut parmi ses serviteurs pour avertir que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, alors craignez-moi. Donc ça c'est l'ordre avec lequel il envoie ses anges et l'esprit, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, sur qui il veut d'entre ses serviteurs, c'est-à-dire sur qui il veut d'entre les messagers, pour avertir que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, alors craignez-le. فدعوة الرسل كلهم إلى التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والنهي عن الشرك، هذه هي دعوة الرسل. ثم بعد التوحيد تأتي الشرائع من الحرام، من الحلال والحرام، وتفاصيل الشرائع، وتختلف باختلاف الأمم وحاجة الأمم، وينسخ الله منها ما يشاء، ثم نسخت كلها بشريعة الإسلام، الحلال والحرام والأحكام والعبادات والأوامر والنواهي، أما الأصل وهو التوحيد فهذا لا اختلاف فيه ولا نسخ، وهذا دين واحد، دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم دين واحد، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Donc le cheikh explique que la da'wa, l'appel de tous les messagers, c'était au tawhid, c'est-à-dire à l'adoration d'Allah seul, et à l'interdiction du shirk, c'est-à-dire l'interdiction d'adorer d'autres que Allah. Et ça, c'est l'appel de tous les messagers. Puis après le tawhid, il y a, yani, le reste des règles de l'islam, parmi les choses qui sont halal et les choses qui sont haram, et les détails des législations que Allah a révélées. Ça, ça peut être différent à travers les différentes législations des différents peuples et des différents messagers qui sont venus auparavant. Donc, tu peux trouver des divergences entre les différentes sharia que chaque prophète a reçu, chaque messager a reçu auparavant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut abroger de ces lois comme il veut. Hein? Puis, toutes ces lois qui sont venues auparavant, elles ont toutes été abrogées par la loi de l'islam et par la charia de l'islam. Donc, qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, et les règles et les adorations et les ordres et les interdictions, tout ça, ça peut changer, et ça peut être, comme dans le passé, c'était peut-être différent dans certains aspects, sauf que c'est abrogé par l'islam. Mais la base de la religion, qui est le tawhid, ça, il n'y a jamais eu de divergence à ce sujet-là. Et il n'y a pas eu d'abrogation non plus à ce sujet-là, parce que c'est une seule et unique religion, c'est la religion de tous les messagers, depuis le premier jusqu'au dernier. Et quand on dit donc que tous les messagers, ils ont eu la même religion, c'est par rapport au tawhid, par rapport à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate Al-Ma'idah, ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Hein? Et pour chacun d'entre vous, nous avons fait une législation, une voie et un minhaj. Donc le cheikh il dit ودين التوحيد هو عبادة الله بما شرع في كل وقت بحسبه. فإذا نسخ هذا الشرع انتقل إلى الناسخ انتقل إلى الناسخ فمن أصر وبقي على المنسوخ وترك الناسخ فإنه يكون كافرا بالله عز وجل لأن الدين المنسوخ لا يكون دينا بعد نسخه وإنما هو دين قبل أن ينسخ فإذا نسخ فلا يكون دينا ويكون الدين هو الناسخ فلهذا نسخت شريعة الإسلام ما قبلها من الشرائع فمن بقي على اليهودية أو النصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنه يعمل بدين منسوخ انتهى وقته. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui. On va s'arrêter à cette partie-là. Juste on va traduire en français, puis on va s'arrêter inshallah. Le cheikh il dit que la religion du tawhid, c'est l'adoration d'Allah. L'adoration d'Allah parce qu'il a légiféré chaque époque selon ce qui a été révélé à cette époque-là. C'est-à-dire selon l'époque des différents messagers qui sont venus avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque cette législation-là a été abrogée, eh bien, on est obligé par la suite de suivre qu'est-ce qui a été l'abrogeant. Comme par exemple, auparavant les gens ont suivi la Torah, hein, de Moussa alayhi salam. Puis ensuite, il y a eu l'Injil. Donc, ceux qui ont reçu la Torah, maintenant, c'était obligatoire pour eux de suivre l'Injil. Hein? Parce que c'est venu abroger certaines règles de la Torah. Maintenant, par la suite, il y a eu le Coran, qui est la dernière des révélations. Et elle vient abroger tous les livres qui sont venus auparavant. Donc, après le Coran, quelqu'un ne peut pas dire, moi je vais continuer à adorer selon la règle de l'Injil ou selon la règle de la Torah. Non, tu dois absolument maintenant suivre qu'est-ce qui est Nasir et abandonner qu'est-ce qui est Mansour. Tu vois, tu dois abandonner qu'est-ce qui a été abrogé et suivre qu'est-ce qui est venu abroger cette chose. Donc, celui qui refuse et qui continue à vouloir rester sur l'ancienne règle, l'ancienne révélation, il est kafir, il n'est pas croyant, il n'a pas cru en Allah. Parce que la religion qui a été abrogée, elle n'est plus valable comme religion. Hein? C'est ce qui est valable, c'est uniquement la religion qui existe, qui est venue abroger qu'est-ce qui était là auparavant. Donc, si elle a été abrogée, si quelque chose a été abrogé, alors elle ne fait plus partie de la religion par la suite. Et c'est pour cette raison-là qu'on dit que la charia de l'islam, elle est venue abroger toutes les autres lois qui étaient là précédemment, que ce soit le judaïsme ou le christianisme ou toute autre législation qui a été révélée à d'autres messagers. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, quand il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maintenant c'est obligatoire aux juifs et aux chrétiens et à toutes les gens qui suivent d'autres religions d'abandonner ces voies et ces législations et de suivre et de croire en la législation qui a été envoyée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui refuse, il est kafir. Celui qui refuse parmi ces gens-là, que ce soit un juif ou un chrétien ou autre, de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa législation, alors il est considéré kafir selon l'islam, parce que il adore, il veut adorer Dieu et suivre une religion qui a été abrogée et dont le temps et la validité a été annulée. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Puis demain, bi'idhnillah, on lira la suite de cette explication, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.